Mes bien chers frères otakiens, otakiennes, merci d'être ici parmi nous en ce jour béni. Dieu manga nous regarde et nous dit « Croyez en moi, croyez en au Seinen, au Shonen, au Shoujo, au Kodomo. » Dites après moi « Morning Otak !» Morning Otak! Morning Otak! Oh, Morning Otak! Morning Otak, c'est tous les 15 jours, le dimanche, entre 10h et midi, sur un live Facebook et sur radioanime.net. Bonjour et bienvenue dans ce 45e numéro de Animé nos Mélodies. Au programme, une jeune beauté robotisée nommée Kurumi et on ira se promener dans les rues magiques de Abenobashi. Comme vous le savez déjà, nous fêtons cette saison les 5 ans de Animé nos Mélodies et je vous ferai gagner tout du long des cadeaux. Et nous avons un gagnant pour le deuxième jeu. Vous pouvez donc féliciter Sébastien Lemoine qui a bien répondu à la question suivante, qui est le compositeur de Wingman. Il s'agissait de Keiichi Oku, qui faisait partie de la programmation de l'anime de Melody 44 avec les musiques de Fire Tripper. Bravo Sébastien, qui gagne le CD de Ranma 1/2 Netto Utagasen. Thank you. Vous venez d'écouter l'opening de Steel Angel Kurumi, Kiskara Hajimaru Miracle, chanté par les Steel Angels et composé par Toshihiko Sahashi. Rappelons que les Steel Angels ne sont autres que les seiyuu, c'est-à-dire les comédiennes de doublage de la série télé Steel Angel Kurumi, Atsuko Enomoto dans le rôle de Kurumi, Masayo Kurata dans le rôle de Karinka et Rie Tanaka dans celui de Saki. Steel Angel Kurumi, soit Kotetsu Tenshi Kurumi, est à la base un manga de Kaishaku, dont l'adaptation en série animée pour la télévision a été confiée à Naohito Takahashi et le studio Oriental Light and Magic. Il fut diffusé en 24 épisodes de 15 minutes sur la chaîne payante WowWow entre le 5 octobre 1999 et le 4 avril 2000. La série eut un grand succès commercial qui engendra une deuxième saison et une série d'OAV. Mais revenons à la première série. L'histoire suit un jeune garçon nommé Nakahito Kagura. Il est poussé par ses camarades de classe à se rendre dans une maison qui appartiendrait à un scientifique fou. À l'intérieur, il tombe sur ce qui semble être une poupée très réaliste. Dans le même temps, l'armée japonaise effectue une attaque contre la maison. Pendant l'attaque, la poupée tombe sur Nakahito et l'embrasse accidentellement, ce qui l'active et la réveille. La poupée s'avère être un ange en acier appelé Kurumi et qui est traqué par l'armée pour des raisons mystérieuses. Kurumi commence à appeler Nakahito maître et devient sa protectrice, semblant être tombée directement amoureuse et en lui proférant une affection hors norme. Kurumi ne suit jamais d'ordres qui ne viennent pas de Nakahito. Au fil de l'histoire, de nouveaux Steel Angels feront leur apparition, la numéro 2 Saki, la numéro 3 Karinka. Et davantage de personnages viendront rejoindre le groupe et tailler une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le compositeur de la première série n'est autre que Toshihiko Sahashi. Vous le connaissez déjà pour l'avoir entendu dans de multiples émissions d'animé de mélodie, consacrées par exemple à Fatal Fury, les OAV ou le film. Il est aussi le compositeur des magnifiques musiques de Full Metal Panic. Il fait partie des compositeurs qui utilisaient encore, à ce moment-là, de vrais musiciens et de vrais orchestres pour composer les musiques d'animé. Malheureusement, par la suite, Toshihiko Sahashi se prêta au jeu de ne plus les utiliser ou à moindre effort pour se consacrer aux compositions par synthèse orchestrale, c'est-à-dire aidées par l'ordinateur. Cela n'enlève pas le charme de ses compositions, mais elles perdent de la valeur artistique avec le temps et l'écoute, qui ne trompe pas les mélomanes les plus assidus aux compositions des années précédentes. Celles de Kurumi sont donc orchestrales, avec l'utilisation d'un piano, de flûte, de hautbois, clarinette, percussion, tuba, trombone, saxophone, harpe, mais aussi guitare et violon. Kurumi est peut-être une des dernières œuvres de ce compositeur à être de la vraie musique, alors ne boudons pas notre plaisir et on se retrouve à la fin, juste après le ending, version courte cette fois-ci, de la série, qui se nomme Eien no Kotetsu Tenshi, toujours chantée par les Steel Angels. Thank you. Thank you. Shall we? Yeah. What? Come on. Check it out. Here we go. So I do the style. The mystery and adventure. Who knows what we'll find? Baby danger, baby fun. Fairies and bears and dungeons and dragons. Oni shibari no mi ga akatsu natta. Kanari no kibun o sashi hasande miru. Vous venez d'écouter l'opening de Magical Shopping Street Abenobashi, Treat or Goblins, chanté par Megumi Hayashibara. Rien ne va plus dans le quartier commercial d'Abenobashi. Des projets commerciaux de grandes envergures poussent les petits magasins à fermer les uns après les autres. Sashi Inamiya, un jeune otaku de 12 ans, apprend avec stupeur que le restaurant tenu par ses parents et le grand-père de sa meilleure amie Harumi va également fermer. Cette dernière va donc déménager pour Hokkaido, mais Sashi et Harumi vont découvrir qu'Abenobashi est un portail vers de nouveaux mondes parallèles dans lesquels leur quartier prend des formes diverses. Cet incroyable animé de 12 épisodes produit par la Gainax est réalisé par Hiroyuki Yamaga, membre fondateur de ce studio. Il est aussi un des réalisateurs des projets mythiques comme celui des ailes de Oneamise, Maoromatic ou Gurren Lagann. Abenobashi est une vraie perle de l'animation japonaise, déjà parce qu'elle rend hommage à la créativité de la pop culture et de ses défendeurs, les otaku, mais aussi parce que chaque monde visité, chaque épisode, ne fait que systématiquement remettre en question cette passion et le passage au monde adulte. Le jeune héros Sashi ne veut pas grandir, il ne veut pas que les choses changent, il ne veut pas perdre son amie et amoureuse Harumi, qui elle comprend les enjeux de la réalité. Elle suit Sashi pour ne pas qu'il se perde non plus, mais il faut bien une fin à tout. La musique a été composée par Shiro Sagezu. Comme je vous ai déjà fait un podcast spécial parlant de long et en large de ce compositeur dans l'animé No Melody consacré à Kimagure Orange Road, Max et compagnie, je ne vous parlerai que des choix musicaux pour cette série. Le mot d'ordre est parodie. En effet, comme chaque monde est un reflet de la culture otaku, chacun baigne dans un univers musical assez différent. Nous aurons donc des musiques typiques pour un épisode consacré aux Eroge Games, donc les jeux d'adultes, hein, les jeux voilà, un peu sexuels, des musiques tonitruantes pour des space opéras à la Evangelion, etc., etc., etc. Le soundtrack de Magical Street Arcade Abenobashi est une vraie réussite et on l'écoute ensemble tout de suite avec le ending In Your Heart, toujours chanté par Megumi Hayashibara. なたの心に風があるなら、そしてそれが春の風なら、私一人で吹かれてみたいな、いつまでもいつまでも、あなたの心に空があるなら、そしてそれが青い空なら、私一人で登ってみたいな、どこまでもどこまでも、私を抱きしめるだけ。 C'est la fin de ce Animé nos mélodies. On se retrouve le mois prochain, mais juste avant, je remercie mes partenaires RadioAnime.net, Frankie Anime Live, SenSquad et CityPop. Encore un grand bravo au gagnant du jeu Animé nos mélodies, Sébastien Lemoine. On se quitte avec l'opening de Maison et Coucou, Kanashimiyo Konishiwa, Bonjour Tristesse, ici chanté en duo par Yuki Sato et Enzen Shitai, le chanteur de Tsukisa de la même série. Et surtout, maintenant, n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Au mois prochain ! 「夢の扉があるよ」 なんでちゃいけない、そうよ優しく友達迎えるように笑うわ、きっと約束よ。不意に悲しみはやってくるけど仲良くなってみせるわ、だって